Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana Mungu ambariki nini wote. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina la Bwana Yesu Kristo. Saluons le frère et les sœurs qui sont en ligne. Tunasalimia banduku na badada boko kumtandao. Et sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Na bila kawia tushimame njoo usome neno. Ruth chapitre 1, Luta surakia kwanza, verset 19, musarakia kuminatisa, à 22, paka makumi mbiri na mbiri. Et nous prendrons aussi Ruth au chapitre 2, na tutaiva tena Luta surakia piri, en son verset 1 à 3, musarakia kwanza mpaka tatu. Naomi et Ruth firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Naomi na Ruth bakasafiki pamoja paka kufika Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, mwakati aringia Bethléem, toute la ville fut émue. Muji yote ilishanga. À cause d'elle. Kwa ajili yake. À cause d'elle. Kwa ajili yabo. Et les femmes disaient. Na banamuki banaanza kusema. N'est-ce pas là Naomi? Eti si Naomi ule. Et leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Na akabambia kwamba mushiniite Naomi. Appelez-moi Mara. Lakini munite Nara. Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Kwali wamilele anija na buchungu. J'ai été dans l'abondance à mon départ. Mukwenda kwangu nilikuwa katika hoteli. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Na wamilele anenurudisha mikono wazi. Pourquoi m'appelliez-vous Naomi? Vieux anini mutenita Naomi. Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi. Kisha wamilele kusema kwangu. Et que le Tout-Puissant m'a affligé. Na wamilele anyumiza. Ainsi revint au pays de Moab Naomi et sa belle-fille. Jevi Naomi arirudia mu Moab na mkwe yake. Ruth la Moabite. Ruth wa Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Baifika ku Bethléem ku mwanzo ya mavuno ya orge. Dans le verset 1 du chapitre 2 de Naomi et de Ruth. Ruth sura piri mstaki ya kwanza. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche. Naomi, la famille de Elimelech. Alikuwa na ndugu yake ya bwana yake, alikuwa wa uwezo na mtajiri wa mjamaa ya Elimelech. Naomi avait un parent de son mari. Naomi alikuwa na mzazi wa baba yake, ndugu yake. De son mari. Ya bwana yake. C'était un homme puissant et riche. Alikuwa ni mtu wa uwezo kisha tajiri. De la famille de Elimelech. Wa mjamaa ya Elimelech. Et qui se nommait Boaz. Na jina yake ikuwa ni Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi. Ruth wa Moabu akambia Naomi. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Ruth wa Moabu akamwambia Naomi ya kwamba unyache na kusi niende nikalokote mashamba ya ule mtapata neema. Des épis. Minji. Dans les champs de celui duquel je trouverai grâce. Mashamba ya ule mtapata neema. Elle lui répondit, akamjibu, va ma fille, wende binti wangu. Elle alla glaner dans les champs derrière le moissonneur. akakenda akaenda kulokota minji kumukongo abali baanza kuvuna. Et il se trouva par bonheur dans la parcelle de terre appartenait à Boaz. Na kwa bahati alijikuta mumashamba ile ilikuwa ya Boaz. Qui était de la famille d'Elimelech. Ule alikuwa wa mujama ya Elimelech. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana engeze baraka kusomea neno lake. Nous avons beaucoup insisté sur la séparation. Tuji tia mkazo kabisa yule wa kujitenga. Et nous avons beaucoup insisté sur la décision que nous prenons. Na tulitia mkazo kabisa yulu ya mpango ile tunabebaka. Une bonne décision pour un chrétien, pour une chrétienne. Mpango mzuri kwa mkristo mwanaume wala mwanamke. Et celle qui vous sépare de tout péché, de tout mal et de toute incrédulité. Ni ile kuna mitenga na bubaya bote na kutokuamini kote. Et qui vous dirige tout droit vers le Seigneur. Na ikune miongoza mara moja kwa Bwana. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler sur l'arrivée de Naomi et de Ruth. Leo tutaanza kusema yulu ya wakati ba Naomi na Ruth barifika. Dans le pays d'Israël. Mwinchi ya Israeli. Après la décision. Kisha kubeba mpango. Après avoir renié son peuple et ses dieux. Kisha katala taifa yake na miungu yabo. Ruth s'attacha à sa belle-mère. Luta ariambatana na mkwe yake. Qui n'était pas de sa famille. Ule akukuye wa mjama yake. Elle s'attacha à elle pour faire ce long voyage. Akambatana naye. Jusqu'à Israël. Njoo akusafiri safari mrefu kufika paka Israeli. Naomi avait un cœur rempli d'amertume. Naomi alikuwa mwenye kujaa na mchungu ndani ya moyo. Elle était très affligée. Alikuwa mwenye kunungunika kabisa. À cause de la vie malheureuse qu'elle avait passée dans le pays de Moab. Kwa ajili ya ile maisha ya ole alipitisha mwinchi ya Moab. Elle a quitté son pays avec son mari et ses enfants. Aitoka mwinchi yake na bwana yake na batoto yake. La voilà retournée dans son pays natal sans mari, sans enfant. Zameni sasa narudia mwinchi yake akizalikio bila bwana, bila mtoto. Naomi était une très bonne femme. Alikuwa ni bibi mzuri. Elle avait un bon témoignage parmi son peuple. Alikuwa na ushuhuda mzuri mtaifa yake. Quand elle entrait dans elle entrait à Bethléem. Mwakati alingia Bethléem. Toutes ces femmes qui la connaissaient. Bale banamuke bote barikuwa shakumfamia. Tous les gens qui la connaissaient. Bale batu bote balimujua. Étaient émis de compassion envers elle. Barifurahi sana pamoja naye. Ils étaient émis de compassion. Bali mshikilia buluma. Elle rentrait vide. Alianza kurudia mikono bule. Néanmoins, les gens de la ville se disaient. Lakini batu wa muji baanza kusema. C'est une grâce qu'elle est rentrée. Ni neema sababu anarudia. Elle pouvait aussi mourir comme son mari et ses deux fils. Naye aruwezi hata kufwa pamoja na batu yake bawili. Sa présence réjouissait quand même leur cœur. Kurudia kwake kulifurahisha ba mke wa mwile muji. Bien que tous ces gens compatissaient à sa situation, hata vile bale batu boto anza kushiriki kule mambo yake. Et quand les gens se posaient la question, n'est-ce pas la Naomi? Na mwakati baranza kujiuliza kwamba eti si Naomi ule. Parce que Naomi c'est la douceur. Sababu Naomi ni upole. Naomi c'est la beauté. Naomi ni urembo. Naomi plaisait à ses frères et à ses sœurs. Naomi aranza furahisha banduku yake na badada yake. Elle répondit non monsieur. Kasema hapana. Banduku yangu banamke. Je suis plein d'amertume dans mon cœur. Nisha kuja na buchungu ndani ya moyo wangu. Appelez-moi Mara. Lakini mupate kunita Mara. Littéralement qui signifie amer. Mukusema maana yake ni uchungu. En d'autres termes, appelez-moi l'affligé. Mukusema kwingine akusema munite mtu mwenye kuwa na uchungu. Appelez-moi femme remplie d'amertume. Munite mwanamke mwenye kujaa na uchungu. Je préfère Mara. Minapenda munite Mara. Je préfère qu'on m'appelle Mara. Minapenda baniite Mara. Parce qu'en vous quittant, Sababu, j'avais la bénédiction. Mwakati nitoka hapa nilikuwa na baraka. Mais voilà qu'à mon retour. Mais sasa nyewe unarudia. Mon cœur est rempli de chagrin. Moyo wangu nesha kuya na uzuni. Naomi ne me convient plus. Naomi aina tena njina mzuri kwangu. C'est Mara qui me convient. Lakini ni Mara njo inaendelea. Selon la situation dans laquelle je suis passé. Fatana na hii mambo nilipitiamo. Mais regardez le verset 22. Lakini tazameni mustari yake ya makumi mbiri na mbiri. Quand Naomi et sa belle-fille, la Ruth la Moabite, wakati Naomi na sont arrivés à Bethléem, Ruth wa Moabu bakafika Bethléem. La Bible dit, Biblia kunasema, c'était au commencement de la moisson des orges. Ilikuyaka ni kumwanzo ya mavuno des orges. Des orges ya orge. C'était au commencement de la moisson. Ilikuwa ni kumwanzo ya mavuno. Une période favorable. Wakati moya ya kufaa ya mzuri. Pour chaque habitant de la cité, juu ya kila mkaji wa mumuji, une période où on trouve de la nourriture presque partout, wakati yenye chakula kunaonekana fashi yote, la période de la moisson, wakati ya mavuno, abonde la nourriture parmi le peuple. Inekalaka naleta chakula ya mingi katikati ya taifa. Pendant la moisson, mumavuno, comme il y a beaucoup de nourriture, sa vile chakula iko mingi, tout le monde est servi. Batu bote bina pataka. Même les difficultés de la vie, ata magumu ya maisha, ne se font pas sentir. Aishikirike tena. Parce que tout le monde a quand même un repas chez sababu, lui. Sababu kila mtu ekwako na chakula kwake. Ruth et Naomi. Luta na Naomi. Sont arrivés à Bethléem. Barifika mu Bethléem. Pendant une période de réveil. Mwakati ya amsho katika Israeli. Elles sont arrivées Barifika au commencement de la moisson ya mavuno. Elles sont arrivées Barifika au temps de la grâce de Dieu. Wakati ya neema ya Mungu. Au temps de l'abondance. Wakati ya utele. Dans un temps favorable. Wakati ya kufa. C'est vrai. Ya kweli. La grâce était là. Neema ilikuwa hapo. Le réveil venait à peine de commencer. Ilianza. Israël était dans la joie. Israël, kuya katika fura. Il n'y avait pas de souffrance. Akukwe mateso. C'était au commencement de la moisson. Ni kumwanzo ya mavuno. C'est vrai, frère. Certaines choses arrivent. Bitu bingine bikunafika. C'est seulement selon le plan de Dieu. Ni kufuatana paka na mapu ya Mungu. Elles sont arrivées au début de la moisson. Barifika kumwanzo ya mavuno. Pour qu'elle participe au réveil. Njuba pate kushiriki kuamsho. Pour qu'elle participe à la bénédiction de l'Éternel. Sababu bashirike ku baraka ya milele. Que Dieu avait commencé à déverser sur Israël. Ile Mungu alianza kumwanga yule ya Israeli. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. Mu wa Korinto wa pili sura ya 6. Dans son verset 2. Mustari yake ya pili. Car il est dit. Kwani imesemwa. Au temps favorable, j'étais exaucé. Mwakati ya kufa ni kujibia. Au jour du salut, j'étais secouru. Mushiku ya wokovu ni kuokoa. J'étais secouru. Ni kusaidia. Voici maintenant le temps favorable. Tazameni sasa wakati ya kufa. Voici maintenant le jour du salut. Tazama sasa siku ya wokovu. Dieu avait aussi arrangé les choses. Mungu naye tengeneza bitu. Pour que Naomi, Ju Naomi et Ruth na Luta bénéficie aussi bapate na boku faidia à cette bénédiction de l'Éternel. Wile baraka ya wa milele. C'était un temps de la grâce. Ilikuwa ni wakati ya neema. C'était un temps du salut. Ilikuwa ni wakati ya wokovu. Où personne ne pouvait s'inquiéter. Ule ile wakati mtu asipashi kuhangaika. Tout le monde avait la possibilité. Kila mtu alikuwa na namna. De participer à la bénédiction de l'Éternel. Ya kushiriki kubaraka wa milele. C'est comme nous aujourd'hui. Lisa vile chie leo. Nous vivons un temps de grâce. Tunaishi mwakati ya neema. Nous vivons encore au jour du salut. Tunaishi mushiku ya wokovu. Chaque frère, chaque sœur. Kila nduku na kila dada. N'a pas s'inquiéter. Ana wa kuangaika. Le salut est encore possible. Wokovu inawezekana tena. Nous sommes dans une période où chaque prière sincère qui est adressée à Dieu selon sa volonté est exaucée. Nous sommes dans une période où le salut est à la portée de tout le monde. Kila mutu anaweza kuipata. Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, il se repent, kuna tubu il se fait baptiser, anabatiziwa, il sera sauvé. Na ataokolewa. Une période wakati où le péché est pardonné, zambi ikunarumiwa, une période wakati ile, où les malades sont guéris, bagonjo abionapokea matunzo, une période wakati moya, où ceux qui sont en souffrance bale benye kuwa mateso, quand ils demandent quelque chose ou un secours à Dieu, kitu fulani, wala msaada kwa Mungu, il y a encore un secours, engareki msaada, qui ne manque jamais, ila ikusake, dans la détresse, wakati ya magumu. C'est pourquoi dans Hébreux au chapitre 4, Jukwamana mu wa Ebrania sura yake ya 4, dans son verset 1 à 2, il est dit, mstari wake wa kwanza na ya pili, craignons donc, tongopeni basi, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, vile malako kunywa mapumziko yake kwa kutena, la promesse du baptême du Saint-Esprit est encore là, malako ya ubatizo wa Roho Mtakatifu ngariki. Ne vous y trompez pas. Jusqu'à ce soir, Jésus-Christ est encore sur son trône de grâce, son trône de miséricorde. Il a encore les 100 frères entre ses mains. Ne craignez donc pas. Il est encore un agneau. Réclamez le Saint-Esprit. Lomba Rom Takatifu. Le Saint-Esprit viendra. Rom Takatifu Takuya. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Akushikwata moja wenu apate kufika saa kufika. Même les frères et les sœurs. Ata banduku na madada. On a baptisé dernièrement. Bale tu baptisa mashiko kumkongo. Doivent savoir. Anapata kujua. Que la grâce est toujours là. Kwamba neema ingari. Oh, si longtemps que nous nous tenons du haut de la chair pour apporter l'évangile du salut, le salut est encore permanent. Il n'y a rien qui peut vous décourager. Tu n'es pas en retard, mon frère. Tu n'es pas en retard, ma soeur. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée bien qu'ailleurs. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos parce que c'est un temps de grâce. Sababu ni wakati ya neema. Un temps favorable. Wakati ya kufa. Où la parole de Dieu, le neno la Mungu, qui est prêchée, ikuna obiriwa, germe encore dans le cœur de croyants. Na chipuka mumaro ya baminifu. Produit encore les fruits. Ikuna tosha la vie de Christ dans les croyants. Wa Kristu ndani ya mwaminifu. Jésus-Christ, Jésus-Christ sauve encore. Ikuna okoa tena. Il change encore. Ikuna badilisha. Il n'y a rien. Hakuna kitu. C'est difficile. Kile kitakuya kia nguvu kwake. C'est un temps de wakati ya neema. Lorsqu'ils sont, elles sont entrées. Wakati balingia. Pendant un temps favorable. Wakati akufa. Un temps de grâce. Wakati yaneema. Après s'être installé. Kisha bokukala. Là où Naomi conduisit Ruth, Mule Naomi aranza kumongoza Luta, ils ont passé la nuit calmement. Bagilala tum salama. Cette journée-là, il est chiku. Au lever du soleil, Asubui, Ruth la Moabite, Luta ok Moab. Pas Naomi. Apana Naomi. Et l'église, je vois très bien. Kanisa Mufati. Ruth la Moabite dit ceci à sa belle-mère. Akambia mkoyake. Nous sommes tous rentrés de veuve. Shebote tunarudia tukubayane. Tu n'as plus de famille ici. Aona tena jama humu. Et moi je suis une étrangère. Na mie niko tu mgeni humu. Apparemment il n'y a personne pour nous secourir. Kwa kuona tu hakuna mtu atatusaidia. Mais nous devons vivre. Lakini tunapasha kuishi. C'est notre droit de vivre. Ni halali yetu tunapasha kuishi. Parce que je suis venu avec toi ici c'est pour vivre non sababu, pour mourir. Mimi kuya na wewe hapa ni njoo nipate kuishi haina njoo ami kufwa. Comme tout homme qui vit, sa vile mutu yote kunaishi. Il vit du pain. Eko naishi ni kwa mkate. Naomi et Ruth n'avaient pas de pain dans leur sac. Naomi na Ruth abakuwe na mkate wala chakula mu vitu yabo. Ruth dit à sa belle-mère. Luta kambia mko yake mwanamke. Je te prie ma belle-mère. Mama angu muko ni unakusi. Comme le soleil s'est levé. Saivi bushiku nakuja unakatika. La journée a déjà commencé. Mchana inaanza. Nous n'avons rien dans notre maison. Mwinyumba tuna kitu. Nous n'avons rien dans notre nouvelle maison. Mwinyumba yetu ya sasa muna kitu. Nous sommes presque des étrangers avec toi. Wewe na mimi tunakwasa bageni tena. Je te prie. Lakini niko na kuomba. Laisse-moi. Unyache. Ale ere. Niende nikajunguluke huko. Pour voir. Dieu a kuona. Où est-ce que je vais trouver un endroit pour travailler? Afin de ramener quelque chose pour notre survie. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi je te prie aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel aoule, je trouverai grâce. Naomi a trouvé les paroles de Ruth sage. Ah, Naomi aliona ya kwamba maneno ya Luta ikuwa ya hekima. Il est d'accord, ma belle. Anasema mko wangu niko tayari niko netika. Allez-y. Pawende. Sinon nous n'aurons pas de la nourriture. Kama ina vile chakula tutapata. Et elle est allée. Na akaenda. Ruth ne savait pas. Luta akujue. Qu'il y avait encore en Israël Yakwamba, Israël, les potena, membres de la famille de Ruth, de Naomi, ba memba ya jama ya Naomi, ou de son mari. Wala ya bwana yake ya Naomi. Elle ne savait pas. Akuyua pale. Si vous voyez la Bible dit, kumana, Biblia asema, et il se trouva na akapatikana par bonheur. Kwa batisha tu. Parce que c'est Dieu qui conduit les pas. Sababu ni Mungu jo anongozaka matua ya banyaki. C'est Dieu seul. Ni Mungu peke. Qui conduit les pas des justes. Jo anekaraka naongoza matua ya banyaki. On l'a laissé. Bamwacha kaendea. Pour avoir le pain du jour. Jo apateko mukate ya siku. Bien de mes frères et sœurs. Pendwa nduku na dada. Ruth n'a pas eu une vie facile. Luta akukuwa na maisha ya upesi. Lorsqu'elle est arrivée en Israël. Wakati alifika mu Israeli. Réveillez-vous. Mulamuki. Ruth n'a jamais eu Luta aya kuyaka de vie facile maisha upesi lorsqu'elle est arrivée en Israël. Mwakati alifika mu Israeli. et n'a pas eu de soutien. Ashukwe na msaada. Ce ne sont pas les gens de la de Bethléem qui sont venus. Aina bato Bethléem unjo barikuya. Pour manifester la bonté, la bienveillance. Dieu a connu chaque ouéma, voilà pour qu'il ait mzuri. Naomi, Ruth, Naomi, Luta, vous venez à peine d'arriver, vous avez fait un long voyage, safiri, vous êtes fatigué, nous vous apportons un peu de pain, mangez, reposez-vous, on verra comment le Seigneur va conduire les jours à venir. Non. Elles se sont réveillées comme des étrangères, sans nourriture, bila chakula, et sans soutien, na bila musada. Et pourtant, elle devait vivre. Japo, bar pasha kuishi. C'est ainsi que Ruth, Jovile Luta, devait se débrouiller. Ari pasha kutafutisha. Devait travailler alipasha kutumika pour sa survie dans le nouveau pays. Mwile inchi mupia. Se voyant sans soutien, akajiona bila msaada, Ruth a demandé à sa belle-mère, akaomba mama yake muko, laisse-moi aller me débrouiller. Niache nikatafutishe. Elle est allée na alienda kuzunguluka. Mais le Dieu qu'elle avait suivi en Israël, lakini Mungu alifuata Israël, la conduisit dans un champ, mushamba, qui appartenait ya, à son beau-père Elimelek. Et là, elle a travaillé dur. Na mule aretumika na nguvu yote pour sa propre survie. Notez cela. Apate kuishi mwandiki. Elle devait travailler dur. Alipasha kutumika na nguvu yote parce qu'elle n'était pas bien reçue. Sababu abakumpokee mzuri. Elle a dû endurer. Alitumika na nguvu. La malveillance. Il est kubwa mpokela mbaya. Comme une étrangère. Ta mgeni. Comme une inconnue. Ta mutu abafamie. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ya kweli dada. Christ, le type d'un véritable chrétien. Luta picha mkristo wa kweli. Qui a la révélation de ce qu'il fait. Mwenye kuwa na ufunuo ya bile kunafanya. Elle devait endurer beaucoup de choses. Alipasha kuvumilia vitu mingi. Israël comme un pays qui avait des lois strictes. Israël sa taifa ikuwa na masheria ya nguvu. Dont ses habitants étaient séparés d'autres nations. Barikuwa benye kuachana mataifa ingine. Un peuple mis à part. Taifa yenye kuweka mpenye kutua mpembeni. Un peuple qui n'avait taifa pas d'alliance. Ile haikuwe na agano. Avec d'autres nations. Na mainchi ingine, na mataifa ingine. Quand les Juifs la voyaient, wakati ba Yuda baranza kumuona, ils avaient des réserves. Barikuwa ne jizuiza. Les autres pouvaient même dire, bengine maroweza ta kusema, on ne comprend pas. Atuelewe. Comment Naomi, namna kani Naomi, au lieu de laisser cette inconcis, la fille de l'inconcis, elle idolâtre, elle va nous amener encore, une idolâtre ici. Et pourtant Naomi sait, Naomi que dans la loi de notre Dieu, il nous est strictement interdit de relations avec des païens. Mapatano na bapagano. Tu pouvais entendre ça. Luta, aruweza ta kushikia ile. Ce n'était pas son affaire. Lakini ile kukwe mambo yake. Ce Cela ne pouvait jamais briser son cœur. Elle savait déjà que je vais vers un peuple qui a sa demeure à part, des lois à part, un comportement à part. Elle savait. Elle ne suivait pas les Juifs. Elle a suivi Dieu des Juifs. Elle voulait trouver grâce devant les yeux de Dieu, pas devant les Juifs. Mbele ya Mungu Abayuda, apana mbele ya Abayuda. L'église est là. Kanisa tu pamoya. Non, soyez spirituel. Mkweba kirosa. Les critiques. Mazarau. Ou les mépris. Wala makubeuliwa. Ou les moqueries. Wala makuchekelea. Ne pouvait pas. Aikuweza. Changer la décision. Badilisha mupango le luta kwa shabeba. Et ce peuple n'est pas accueillant. Il est malveillant. Il n'est pas trouvé de l'hospitalité. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont pas donné de la nourriture. Alors je dois rentrer chez nous. Ce n'est pas son affaire. Il est aikukue mambo yake. Aïkoukouye mambo yari. Ce n'était pas la favorite. Elle, elle avait son objectif. Aïkoukouye na muntu wa kufanishia caprice. Elle n'avait personne à qui elle pouvait faire des caprices. Un chrétien capricieux. Christ ou ma fieri fieri. Une chrétienne capricieuse. Christ ou ma fieri mo alamouke. Est un faux chrétien. Mon Christ ou bongo. C'est un croyant sans véritable foi. Ni mwaminifu ana na imani ya kweli. Cela ne bougea pas son cœur. Il est kwezu tengesa moyo wake. Ce qu'elle avait vu de négatif. Bilariona bezvaya. Parmi le peuple. Katikati ya taifa. Juif. Ya Ibayuda. N'était pas son affaire. Ile kwe mambo yake. C'est vrai. D'accord. Elle n'était pas comme des chrétiens et des chrétiens. Est-ce que Christ ou Naoum et Mme qui va aller où? J'avais entendu le témoignage de dire au tabernacle, ce sont des bonnes personnes. C'est vrai, ils ont un Dieu vivant, un Dieu vrai. La parole est vraie. Quand je venais, un frère tel frère m'a chopé, tel frère m'a chopé, alors je rentre dans les dénominations. Là, tu n'as pas cru. Comme une sœur. Sadada moi. Était venu ici. Alkuya Kapa. La même sœur qui l'avait amené ici. Dada moi ou l'armoire Kapa. L'avait achopé. Armkwarisha. Il dit non, parce que je ne le voyais plus à l'église, je suis allé la chercher. Quand je vois mon organisme, je me suis dit, non, telle sœur, regarde, elle a fait ça, elle m'a chopé beaucoup. J'ai essayé de l'exhorter. Mais elle n'a pas écouté. Il y a des gens comme ça. Batu bavile le kwaku. Ces gens, ce sont des gens qui viennent sans révélation ou message. Je n'ai pas de bila ufunuo. J'abandonne ce chemin-là. Minacha elenjia. Ruth n'était pas bien riche. Luta abakumpoke muzuri. Il devait se débrouiller, travailler, endurer, pour avoir de la nourriture. Bien-aimés frères et sœurs, Pendua, ndukuna dada. Je vous dis au nom du Seigneur, Nikule mambia, mujina, la buana. Notez cela, Muyandike. Tous les prédicateurs Baubiri bote, qui prêchent ubiri, et qui disent na beona sema, que la vie chrétienne ya kwamba maisha ya kikristo est une vie facile, maisha ya wepesi ya tekiteki, sont des menteurs. Banalanda ni bakulanda. Tous ces prédicateurs baubiri bote qui disent balebe kuna ubiri que la vie chrétienne ya kwamba maisha ya kikristo est une vie facile, maisha ya wepesi, ils vous séduisent beko ne mitunguza. Et c'est un signe qu'il ne trompe pas. Ailandake. Et même Bobenyewe n'ont jamais expérimenté, Bado abayonja, n'ont jamais eu d'expérience Bado abayapataka onjo, de la véritable foi. Ya imani ya kweli. L'Église a fait comme moi. Kanisa tupa moi. Maisha ya Bukristu, la vie chrétienne, iko ya nguvu sana. Très très pénible. Mungu ashikulande. Qu'on ne vous trompe pas. Kama unaona mubiri, si vous voyez un prédicateur, eko na kulanda seme, maisha Bukristu, la vie chrétienne, ni ya teketeke, est facile. Eko na kulanda bongo, anapenda kukutongoza na kuweka buvivu muimani yako juu upotee. Afin que tu puisses te perdre, ni mutongozi. Na ye mwenye ule mubiri, même le prédicateur, ayazali kwa mara ya pili, na Roho Mtakatifu yenye ana nayo, inafaa une véritable expérience du salut. Ya kweli ya wokovu ana nayo. C'est vrai. Bien quoi. Maisha Bukristo ina teke teke. La vie chrétienne n'est pas facile. Maisha ya Bukristo aina teke teke. La vie chrétienne, elle n'est pas du tout facile. Imani aina teke teke. La foi, elle n'est pas facile. Kama mtu anakuambia kusema, quelqu'un vous dit, maisha ya Bukristo ni ya teketeke. La vie chrétienne, elle est facile. Muko paka furaha. Il y a que la Muko joie. Muko paka salama. Il y a que la paix. Anakulanga. Bongo. Il te trompe. Un séducteur. Mtongozi. Il n'est pas passé par la porte. Acha pitia pa mulango. Où passent tous les véritables chrétiens. Pale ba Kristo boti wanapitiaka. Ride n'était plus à Moab. Luta achukwe Moab. Il était en Israël. Arkuya Mustraeli. Dans Hébreux chapitre 10. Wa Ibrania Kumi. Dans son verset 32, écoutez comment la Bible dit. Mustariake yama kumitatu na mbili. Souvenez-vous de ces premiers jours. Kumbukeni ile masiku ya kwanza. Ou après avoir été éclairé, kisha mwe kuangaziwa, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Katikati ya mateso. L'Église est avec moi. Kanisa tupa mwe. Nous tous nous combattons Shibote, tuna kumbana, pour la foi ya imani, qui a été transmise une fois pour toutes mala moya, à tous les saints de tous les âges. Si les premiers chrétiens kama ba Christu ba kwanza, ont traversé la souffrance, mateso, nous aussi nasie, nous devons traverser la souffrance. Personne ne sera épargné. Hakuna mutu atatoshwa ako. Mais une chose est certaine. Lakini kitu kia wakika tu. La foi. Imani. N'a pas peur de la souffrance. Aikalaki na boka. La foi. Imani. Affronte la souffrance. Inekalaka na kumu. La foi. Pita mateso. Trouve des solutions. Inekalaka na leta jibu. Katika mateso. Comme notre guide en Israël nous disait. Mungula anza kutongoza mu Israël. Israël nous disait. Que Dieu nous a formés, nous les Juifs, non pas pour fuir les difficultés, mais c'est pour affronter les difficultés et trouver les solutions dans les difficultés. C'est ça la chrétienté. C'est vrai. Pas de menteurs. Kama unaamini mkanisa yetu, si tu crois dans notre église, utauza motoka, tu vas payer le véhicule. Kama unaamini mkanisa yetu, dans notre église, utapata kazi, tu auras l'emploi. Kama unaamini mkanisa yetu, si tu crois dans notre église, tes affaires iront de l'avant. Kama unaamini mkanisa yetu, si tu crois dans notre église, itamalizika. Ni bongo. C'est faux. C'est faux. Ya bongo. Na bia bongo kabisa. Ce n'est pas la voie du salut. Il est un anjia okovu. Ce n'est pas la voie de la chrétienté. Non frère. Si les premiers croyants sont passés par la souffrance, nous ne serons pas exemptés. Parce que c'est la même foi il est imani tout qui nous sauve. Il n'y a pas de foi qui nous sauve. C'est une seule foi qui nous sauve à travers l'œuvre du calvaire. D'une part, d'une part 33, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. D'une part, de quand la Moabite passait, la fidèle circoncise, idolâtre, que Naomi nous a ramené. Voyez. Et de l'autre côté, elle s'est associée avec Naomi, qui était veuve comme elle. C'est vrai, frère. Naomi est le type de l'église orthodoxe, juive. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ushiamini ya kusema, ne croyez pas que mukwamini amuna mateso, en croyant, il n'y a pas de souffrance. Les choses marchera comme sur le roulette. Non. C'est faux. Un prédicateur qui vous prêche ça, il ne fait que vous séduire. Il veut s'aimer en toi une fausse foi qui ne vous amènera pas au salut véritable. La véritable foi Imani ya vya kweli n'a pas peur de la souffrance. C'est vrai. La véritable foi Imani ya vya kweli affronte la souffrance. Na kumbanisha mateso. La véritable foi Imani ya vya kweli n'a pas peur de la persécution. Ayupake mateso. Mais la véritable foi lakini imani affronte la persécution. Na kumbanisha mateso. Dans 2 Timothée, mu Timothée wa pili, au chapitre 3, faka tatu, dans son verset 12, mustari yake ya makumi mbili, kumi na mbili, l'Écriture dit, andiko nasema, oh, japo, tous ceux qui veulent vivre piègement en Jésus-Christ seront flattés. Alléluia. Amen. Vous lisez ou pas? Ou vous dormez? Lisons ensemble. Lisons ensemble. Bah, faux frère. Amen. Et ne lisez pas, ils ont dit amen. C'est une séduction. Il faut lire. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pas flattés. Dieu. C'est ça les dangers qu'on vous disait. Jésus lui-même. Yes, oui, oui, oui. Dans Luc au chapitre 23. Luc 23. Jésus n'a-t-il pas dit? Yesu ashikuseme. Quand il parle à ses disciples. Luc 23. Luc 23. Luc 23, verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, kama banafanya ibintu kwa muchi ya mubichi. Car si l'on fait ces choses au bois vert, kama banatendea hivi muchi mubichi, qu'arrivera-t-il au bois sec? Sasa muchi akukauka nini nitamfikia? Si on a souffert, Jésus-Christ, l'arbre de vie, Mouti Abujima, qu'en est-il de nous? Les bois secs, Mouti Akukauka, sans vie, Bila Bujima. Si on a maltraité les bois verts, Kama Mouti Mubichi Bariteswa, on l'a tué, on l'a flagellé, on s'est moqué de lui, on l'a pas respecté. Lui, il est bois vert. L'arbre de vie. On l'a traité avec mépris. Qu'arrivera-t-il à nous qui sommes des bois secs? C'est vrai, frère. N'écoutez jamais ces faux discours des gens qui pensent que la chrétienté c'est marcher sur une voie fleurie. Non, bien aimé frère. Pananduku. À Bethléem, en Israël, Israël, sur une terre étrangère pour elle, qui était son nouveau pays, frère, elle devait s'adapter à la vie du pays. C'est vrai. C'est comme nous aussi. Et étant devenu chrétien comme Ruth, nous devons nous adapter à la nouvelle vie dans notre nouvelle famille, dans notre nouvelle famille, dans notre nouveau pays, dans le royaume de Dieu. Nuku. Qu'est-ce que Ruth a fait? Nini arifanya? Pour s'adapter à la nouvelle vie, maisha, dans une nouvelle, dans un nouveau pays. Amupia, elle a commencé arianza, à mener une vie de consécration. Kuishi maisha ya kujitolea. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Pour manger. Dia kula. Pour qu'elle vive. Dia kuishi. En Israël. En Israël. Elle devait mener. Alipasha. Une vie de consécration. Kuya sasa na maisha ya kujitoa. Kwa nini note cela? Muandike. Frère. Nduku. Quand nous venons dans la foi, nous devons nous adapter à la nouvelle vie dans notre royaume. Et dans notre royaume, on commence par une vie de consécration. On se consacre à Dieu. C'est vrai, frère. En tant que chrétien, Christu, vous devez apprendre cela. Unapasa ujifunza ile. Quand tu étais dans le monde, kwa mdunia, tu avais la liberté na de faire ce que tu voulais. Ya kilu napenda, ouais, bien, mes frères, comme le reste du monde. Sabatu bote mdunia, maintenant tu n'es plus en Moab. Tu n'es plus dans la dénomination. Mzebu, mais tu es maintenant sasa, en Israël. Israël. Tu es maintenant sasa, dans le royaume de Dieu. Mungu, et là, na tu sasa, dois t'adapter. Pour vivre, c'est vrai, frère. Et là, Namule, vous devez mener une vie de consécration. Vous devez maintenant sasa, apprendre kujifunza, à prier, kuomba, à jeûner, chakula, à méditer la parole de Dieu la Mungu, pour s'ancrer dans le royaume de Dieu, falme au Mungu, dans les habitudes ya de la nouvelle famille. Ya ya sasa. C'est vrai. L'église est avec moi. Les élus sont là. Bate ole beko hapo. Si vous ne comprenez pas ce type, kama ima mufano mwelewe, vous ne comprendrez pas la réalité. Elewaka ukweli. Étant dans le nouveau pays, Ruth devait maintenant se consacrer. Voyez. Elle devait s'adapter à la nouvelle vie dans ce nouveau pays. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Vous devez maintenant vous assumer. Vous assumez. Pour vivre dans ce nouveau pays. Dans le royaume. Pour s'ancrer dans la parole. Et dans les habitudes chrétiennes. Que tu ne connaissais pas. Voyez. Pour s'adapter. La prière. Le jeûne. La méditation de la parole. Tu dois commencer régulièrement à méditer la parole. Parce que tu ne connaissais pas la parole de Dieu. On ne te l'enseignait pas dans les dénominations. Tu dois avoir un temps pour méditer la parole de Dieu. Maintenant, la règle de conduite dans le nouveau pays. Vous avez maintenant de nouvelles lois. C'est vrai, frère. Dans le nouveau pays, il fallait apprendre à oublier les anciennes habitudes d'autrefois. S'efforcer à oublier les anciennes habitudes. C'est vrai, frère. Comme Ruth, dans les nouveaux pays, elle devait apprendre à supporter les moqueries et les critiques des gens. Elle devait supporter cela. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Tu viens dans l'église. On en a semaine de mouche. Tu penses que c'est la fin. Ah, on a l'anda. Tu te trompes. On a l'anda sana. Tu te trompes lourdement. On a quoi, Mkanisa? Tu viens dans l'église. On a un guia tout. Tu entres dans l'église, tu écoutes. On a toka, et puis tu sors. Dans ma affaire, tu pars dans tes affaires. Il n'y a rien qui se fera dans ta vie. Tu ne verras rien. Dieu ne fera rien. Il n'y aura aucun changement dans votre vie. Dans la nouvelle famille. Vous devez vous adapter à la nouvelle vie de la chrétienté. Ujambatanisha kumaisha mupya. L'église est avec moi. Tu pas moi. Ah. Ce n'est pas facile. Aina ni maisha ilamba akuyuwake. Ni maisha kuzobele yake. Unaisha kuzobele ya maisha ya zamani. A l'ancienne vie. Na mazoezi ya zamani. Des habitudes. Maintenant vous devez vous efforcer. Hapa munapasha kujikaza. Vous devez apprendre maintenant à prier régulièrement, à jeûner, vous voyez, à méditer la parole. C'est vrai, à oublier tes anciennes compagnies, à oublier ton ancienne vie. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé frère. Supportez aussi. Tu apprends maintenant à supporter. Ah, les moqueries. Parce que vous avez maintenant une nouvelle conduite. C'est vrai, frère. Dans 2 Corinthiens. Dans son verset, son chapitre 6. Son chapitre 6. Regardez dans son verset 3. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. Afin que les ministères ne soient un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards. Comme serviteurs de Dieu. Par beaucoup de patience. Dans les tribulations. Dans les calamités. Dans les détresses. Sous les coups. Dans les prisons. Dans les séductions. Dans dans les travaux, makazi dans les veilles, dans les jeunes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'esprit saint, par l'amour sincère, par l'amour de vérité, par la puissance de Dieu. De vrais frères, quand quelqu'un a acquis une véritable foi, il vient de la parole de vérité qui produit en lui la pureté, la connaissance juste, une longue patience, la bonté, le Saint-Esprit le conduisant, le Saint-Esprit adoucira son caractère. Il va adoucir son caractère. Il donnera le caractère d'agneau. Même si les gens se moquent de lui, même si les gens les critiquent, même si les gens les méprisent, il supporte tout pour que la parole de Dieu ne soit pas blâmée. Il a peur de jeter l'opprobre sur la parole. Il ne voudra plus vivre comme les païens, répondre comme les païens, parler comme les païens. Vous voyez, injurer les gens comme les païens. Il commence à répondre à la méchanceté. Il ne répond pas à l'amour. Il est patient. Oui, bien mes frères. Il prie. Il gêne. Quand il voit en lui, elle voit en elle un caractère qui n'est pas conforme aux habitudes du royaume, du nouveau royaume, de la nouvelle famille. Il va sous la prière. Il prie. Elle prie. Elle implore la miséricorde. Elle dit au Seigneur, je suis déjà dans le royaume. Venez où aller. Donne-moi la douceur de l'agneau. Donne-moi la force de supporter. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Il supporte. Comme Ruth. Saluta. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ruth, Luta, la Moabite, Moab, devait maintenant se battre sakumbana, chaque jour la shiku, pour avoir pata, son pain quotidien pour se nourrir. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi mana, nous qui avons cru, si benye amini, qui avons reçu la révélation, si ufunuo, voyez, unaona, qui avons compris tuelewa, la décision mpango, que nous avons prise pour suivre Jésus, Yesu, voilà la raison pour laquelle sababu, nous sommes dans la joie mkua, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi? C'est pour recevoir la portion du jour, la nourriture du jour, pour nous donner la force de marcher du côté du Seigneur. Frère, il a chico tu na kuyaka apa. Tu kona pokea. C'est muya chakula. Ya chakula kiro. Mukate kiro. Notre pain quotidien. La parole de Dieu. C'est elle qui nous donne la force dans notre foi. C'est marqué. Na vile Yesu kisa ba kutuchukua. Jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra nous prendre. Va orgueiller bote avec la police régulièrement. Abatendele aka. Il ne peut pas persévérer dans la foi. Abata onaka enlèvement. Abata onaka Yesu. Jamais Jésus-Christ. Le chrétien de la première église était assidu au temple. Le chrétien de la Odyssée sont aussi assidu au temple. Il va au temple pour faire quoi? C'est pour recevoir la nourriture du jour. Pour avoir la force de marcher. C'est vrai, frère. C'est pourquoi Ruth devait travailler durement pour se maintenir dans le nouveau pays. C'est vrai, frère. Elle devait travailler en suivant les conseils de Naomi. Ya Naomi. Parce que Naomi, sababu Naomi, c'est le type de l'ancienne église. Ni picha kanisa zamani, le type de l'Ancien Testament. A picha gano jiti, voyez, zakali, Naomi, naona, Naomi, et le type de l'Ancien Testament, elle est en même temps le type de l'Église juive orthodoxe. C'est pourquoi notre foi n'est pas fondée seulement sur les apôtres. Notre foi est fondée sur les prophètes et les apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Un scribe instruit, il dit de ce qui est dans l'ancien et dans le nouveau. Même pour comprendre ton salut, voilà même la raison, on a commencé dans l'Ancien Testament pour que vous compreniez ce que vous devez faire dans le Nouveau Testament. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Et devait aller tous les jours pour ramasser la nourriture du jour. Chakula ya siku. Et elle rentre, narudia, elle prépare chakula, avec sa belle-mère, mkwake, elle mange, demain encore, elle rentre. C'est ce que nous faisons. Chaque jour, siku, à chaque jour, siku, suffit sa peine. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Nous allons continuer. Oui, ce sont des gens Nibatu, sans révélation, funu, dehors pas, pa, qui ne comprennent jo, pas abaelewe, pourquoi nous devons venir ane, tous les jours à l'église kila pour recevoir kukea, la portion de l'écriture, la portion de la nourriture, le pain quotidien qui nous donnera la force dans notre foi de marcher pour atteindre notre objectif. C'est vrai. Lève-nous pour la prière. Il faut travailler. S'adapter. Il faut s'adapter aux habitudes du nouveau pays, de la nouvelle famille. Il faut s'adapter à cela. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dans le corps de Christ, atuna mukanisa, atuna kumisa, ne sommes pas atukuyake kumisa, atukuyake kuibada. Non, non. Atufanake mamisa umu. Non, on ne fait pas de messe ici. Non, frère. Pananduku. Ici, nous venons au restaurant spirituel. Tunakuya fasi ya kula bitu ya kiroho. Pour recevoir la portion du jour. Notre nourriture du jour. Ya kula yetu ya siku. Voyez bien, mes frères. Non, nanduku mpeni. Kama uko na mahabitude ya kikatholiki. Si, tu as les habitudes catholiques. Ona waza kusema. Tu penses que. Bu Kristu. La chrétienté. Ni pa kuenda kuri ya komono dimanche. Aller manger. Kwanzia lendi. Unaanza kutembea vile unapenda. Lendi tu marches. Kisha samedi unaenda kutubu kwa mumpe wa kulewa mpombe. Lendi tu pars encore. Yemwenye musharati. Confessé à un prostitué. Dimanche unalambula ka suite. Le dimanche encore tu suites le bonbon. Ça ce n'est pas le royaume. Ce n'est pas notre royaume. C'est vrai, frère. La vie chrétienne n'est pas facile. Prions. Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces paroles de grâce qui nous instruisent comment marcher dans ce royaume. Mungu akubingu.